Un homme sur deux vit au bord de l'eau, en toute insouciance, sans radeau. Ils doivent faire face aux inondations, à la pollution, à l'érosion, aux tsunamis, au bétonnage, aux tempêtes. Arrêtez le carnage, certains littoraux dits désertés, et de nombreuses villes sont menacées. Seuls quelques états prennent des mesures pour sauver leurs côtes dans le futur. Parmi les solutions hexagonales, citons le vote de la loi littorale. Allô, y'a quelqu'un, donnez-moi la main. Laissez pas crever, je veux changer de métier. Être aquaculteur, marin ou pêcheur, c'est très difficile, il est plus facile dans le secteur secondaire ou secteur tertiaire de ne pas couler de souvent flouer. On voit dans des deltas, îles ou estuaires, des zones industrielles ou portuaires, façonnées de grandes côtes artificielles aux dépens de paysages naturels. L'homme construit des polders et des terre-pleins pour y installer des quais, des bassins, des usines, des zones de stockage, où s'agit d'ouvriers, hommes d'équipage, où défilent les marchandises importées, transformées sur place ou exportées sur des bateaux appelés pétroliers, méthaniers, porte-conteneurs, vraquiers. Allô, y'a quelqu'un, donnez-moi la main. Me laissez pas crever, je veux changer de métier. Être aquaculteur, marin ou pêcheur, c'est très difficile, il est plus facile dans le secteur secondaire ou secteur tertiaire de ne pas couler, de se renflouer. Les vacances qu'on puisse profiter des stations balnéaires ensoleillées, visiter les monuments d'un autre âge, s'amuser, se détendre sur la plage. Pour se loger, les touristes ont le choix entre immeubles, camping, hôtel, villa. Ils ont accès au commerce du front de mer, aux autoroutes, aux avions, aux chemins de fer. On a bâti pour leur loisir, quelle chance, des golfs, des piscines, des ports de plaisance. On peut tout faire avec beaucoup d'argent au mépris de l'environnement. Y'a quelqu'un, donnez-moi la main. Y'a quelqu'un, me laissez pas crever. Être aquaculteur, marin ou pêcheur, très difficile, il est plus facile dans le secteur secondaire ou le secteur tertiaire de ne pas couler, de se renflouer. Allô? Oui, allô. Allô? Mais non, mais allô, dans l'eau, quoi. Ah, allô? Ah oui. J'avais pas compris. Dans secteur secondaire ou secteur tertiaire de ne pas couler.